tradition thaïlandaise. Maison thaïlandaise, une cuisine savoureuse et variée, dont l'art culinaire se caractérise par son raffinement dans le choix des épices et condiments. Emballé sous vide pour un maximum de fraîcheur au prix plus qu'abordable pour déguster à la maison. Maison thaïlandaise, trois adresses pour vous accueillir au 3 boulevard René-Lévesque Est à Québec, coin de Salaberry, au 4307 rue Saint-Félix dans le Vieux-Cap-Rouge et au 3742 avenue des Églises à Charny. Informations et commandes en ligne sur maisonthaïlandaise.com. Bienvenue à l'émission Les bouquins d'abord. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord avec une Berberink bien fatiguée. Après un marathon de 5 émissions d'une heure et demie lors du Salon du Livre, fait qu'aujourd'hui, je ne parlerai pas. Non. Hein? C'est une promesse. Hein? Pas sûr que je m'y tiens. Non, pas électoral. Personne n'a le droit de vote dans mon émission. On commencera pas ça. Aujourd'hui, quand même... Oui, c'est ça, une dictature bienveillante. Ouais. Aujourd'hui, quand même, il y a du stock. Marie-Ève Sévigny, tu viens nous parler de So British. Oui, un livre de Florence Noville. Oui, qui est... en tout cas, j'ai bien hâte que tu m'en parles. Et on a une invitée, Louise Séguin. Bonjour. Bonjour. Bien contente, enfin, de t'avoir ici. Tu vas nous présenter une série de polars écossais. Hein? C'est bien ça. Peter May. Yves vient nous parler d'éducation. Oui, les théories fumeuses sur l'éducation qui, malheureusement, font des ravages au ministère de l'Éducation du Québec. Oui, mais tu vas faire du ménage là-dedans, je te fais confiance. Ma fille Lou Bolduc va venir nous parler de livres jeunesse et Gilles vient nous parler d'un livre qui, au départ... me semblait assez ordinaire, et puis comme il reste dans ma tête sans arrêt. Ça s'appelle La poupée de Kokoschka. Alors, c'est comme l'ancêtre des poupées gonflables, mais c'est pas tout à fait le même sujet. C'est intriguant. Les gens vont rester jusqu'au bout, je sens ça venir. On va faire une pause musicale et on revient avec Marie-Ève Sévigny. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord. Je suis avec Marie-Ève Sévigny qui nous parle de So British et très franchement, chez Gallimard, un truc avec un titre anglais, c'est bien français, hein? Et une tasse avec le drapeau britannique. Oui, c'est ça. Ben, je t'avoue d'ailleurs, Berbel, que quand j'ai vu ça, j'ai dit bon... Quand un Français se mêle de parler d'une autre société que la sienne, j'y vais avec des pincettes, là. Mais c'est quand même Florence Noville. Oui, puis moi, j'en avais entendu parler, en fait, par ces deux romans qu'elle avait publiés et qui s'étaient tous deux mérité la sélection du prix féminin, L'attachement et la donation. C'est une fille qui a une formation en finance, hein, en HEC et puis tout ça, puis qu'elle avait commencé sa carrière dans ce domaine-là, avant de publier une première biographie. Elle était passionnée de littérature, Isaac Bevis Singer, et tout d'un coup, pouf, le prix du récit biographique, et là, c'est son entrée en littérature. Et elle a gardé cette espèce de lien d'intérêt envers les auteurs, encore davantage, en lien avec leur plume, si je puis dire, dans des portraits qu'elle réalise depuis 1994, là, pour Le Monde. Et Et c'est un peu 23 visages d'écrivains d'Outre-Manche. Ce sont parmi les meilleurs portraits qu'elle a publiés dans ce journal-là. Et c'est vraiment sympathique. Je vous dirais qu'au sortir du Salon du Livre, si vous avez envie de vous faire à vous-même des suggestions de lecture, eh bien, vous allez avoir 23 écrivains qui vont vous changer les idées là, de l'éternel Dickens, Austen, etc. Mm-hmm. Virginia Woolf, qu'on s'imagine qu'on a tout lu l'Angleterre. David Lodge. Ben, justement, elle en parle de David Lodge. Elle va nous parler, elle fait finalement des portraits, mais forcément d'auteurs plus contemporains, parce qu'elle leur a parlé. David Lodge, entre autres, c'est très, très drôle. C'est drôle que tu parles de ça, Berbel, parce que c'est probablement le portrait le plus désopilant. Bon, David Lodge, mais son humour lui-même est très, très drôle. Je vais vous lire un extrait. Vous allez voir tout de suite combien la plume de Florence Noiville est alerte. Et en même temps, ben, je veux dire, David Lodge, il avait le sens du personnage. Les conjoints d'écrivains sont pleins de sollicitude. Voyez Madame Lodge. David est un peu dur d'oreille, comme le héros de son dernier roman, La vie en sourdine. Qu'à cela ne tienne, elle ferait presque l'interview à sa place. « Pourtant, ces prothèses auditives ont coûté cher, » dit-elle. « 200 livres sterling par oreille. Comment dit-on prothèses auditives en français? » Elle nous parle, nous sommes à Egbaston, une banlieue cossue de Birmingham, dans le vaste bureau de l'auteur d'Un tout petit monde. Moquette verte, mur tapissé de livres. C'est là, face à une grande paroi vitrée donnant sur un jardin, que travaille, comment l'appeler, le romancier à succès, l'ex-universitaire, l'essayiste talentueux, le critique influent, le brillant théoricien du roman, le commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique. Ben oui, évidemment, on est en Angleterre. Bref, le très pince sans rire David Lodge. Pour l'instant, l'écrivain est impassible. Il ajuste son cardigan gris, l'œil fixé sur ses chaussures de sport. Et il attend que Madame Lodge se taise. Parce qu'elle prend, je veux dire, c'est vraiment, si n'en tenait qu'à elle, ben, ça serait elle l'entrevue, là. Alors, c'est toujours des portraits très personnels parce que je pense qu'elle a eu qu'elle est très sympathique mm-hmm. de contact, cette Madame Noiville. Et elle arrive à établir vraiment à faire sortir les auteurs de leur réserve. Mm-hmm. Par exemple, bon, elle va parler avec John Le Carré qui mm-hmm. n'offre jamais d'entrevue depuis des décennies. Mais qui est quand même bien connu. Et qui est vraiment l'auteur britannique recherché, je veux dire, des best-sellers d'espionnage et tout ça. Et justement, elle fait le lien entre la vie les romans d'espionnage de John Le Carré, mais aussi le fait qu'il a été lui-même mm-hmm. espion à MI6. Et puis, il nous raconte là-dedans comment on fait. Berbel, si tu veux entrer à MI6 un jour, eh bien, en tant que futur James Bond. Faut être anglaise d'abord, ça aide. Et ben lui, il était adolescent, un peu, ben pas adolescent, mais début vingtaine, il était mélancolique. Que fait-on quand on est mélancolique? Ben pour John Le Carré, on s'en va niaiser dans une église. Et il soupirait, et ce n'est pas Dieu qui lui est apparu, mais deux espions en complet gris qui ont demandé, veux-tu rentrer chez MI6? Alors c'est un peu ça qui s'est passé. Bien sûr, j'ai réduit un petit peu, mais c'est pas plate comme vie. On a John Le Carré, tout comme William Boyd, dont on apprend qu'il a été un peintre raté. Lui, je veux dire, écrivain célébré par tous les continents. Il y a un nouveau livre qui vient de sortir. Oui, Orage ordinaire. Exact. Je suis en train de le lire. C'est extraordinaire. C'est mm-hmm. vraiment bon. Et ben justement, le chapitre sur William Boyd nous parle d'orage ordinaire comme mm-hmm. d'un fil conducteur. Ça arrive souvent dans chaque chapitre. Elle parle du dernier livre. Je vous rappelle que c'était des articles pour présenter mm-hmm. les nouveautés dans le monde. Eh bien, le roman qui vient de paraître sert de fil conducteur, mais en même temps, ben, elle nous révèle toutes sortes d'aspects pour bien faire comprendre le personnage, la démarche artistique et tout ça. Alors, William Boyd, auteur reconnu, mais qui se trouve peintre raté, est en sentiment d'échec. On a Alain de Botton, comment Proust. Le philosophe. Oui, ouais. Alors, comment Proust peut changer votre vie? J'avais lu ça il y a quelques années, j'avais vraiment adoré. Il parle de la beauté pendant mm-hmm. plusieurs pages et il l'oppose au matérialisme. Il dit « Les objets que l'on juge beaux sont des versions des gens qu'on aime. » C'est beau. Hein? Oh, c'est beau. Alors, on a Julianne Barnes. J'ai lu... toi aussi, Gilles, t'avais lu une fille qui danse, je pense. C'est-tu toi qui avais lu ça? De Julianne Barnes? Oui, de Julianne Barnes. Non, j'ai jamais lu Julianne Barbe. OK, bon, je suis restée avec l'idée que tu avais aimé ça. Mais t'aurais tu peut-être ça. Aimé ça. Une fille qui danse, je peux aimer ça, là, mais pas si Marie-Ève le dit, non, tu vas aimer ça. Non, mais j'ai pensé à toi parce que c'est vraiment le type de roman prenant et en même temps un peu philosophique. Une fille qui danse de Julianne Barnes. J'en suis sortie la semaine dernière. Je sens que je dois le lire. Ben, je pense que oui. Il a gagné quantité de prix, dont le Man Booker Prize. Et, ce qui n'est pas rien. C'est une belle réflexion sur le temps. Et dans l'entrevue que Julianne Barnes donne à Florence Noiville, eh bien, il lui dit, avec l'humour qui le caractérise, parce que lui aussi a beaucoup d'humour, ben, l'humour so British. Mm-hmm. Quand on est jeune, on invente différents avenirs pour soi-même. Quand on est vieux, on y invente différents passés pour les autres. Oh. Alors on a, écoutez, je vais vous épargner l'effet de liste. On a Martin Amis, Jonathan Coe, Ishiguro, David Lodge, je l'ai dit. On en a énormément et encore davantage qu'on ne connaît pas. Et c'est ce que je trouve intéressant du livre. Est-ce qui t'a frappé dans les pas connus là? Dans pour les nous. Ben c'est drôle, Claire Keegan. Claire Keegan, je ne la connais pas. Rien. C'est une nouvelliste d'une cinquantaine d'années et elle ne fait rien d'autre que la nouvelle. Et vous savez, ici dans la culture francophone, ben on commence par la nouvelle et quand vas-tu enfin sortir ton roman? Oui. Eh bien, elle, non, niet nada, pas de roman, ça n'est que de la nouvelle qui l'intéresse. C'est anglo-saxon. Et c'est, oui, c'est ça, c'est dans Alice une culture. Monroe, c'est une autre culture littéraire. Et elle, semble-t-il, qui est faite de la nouvelle particulièrement ciselée. Alors, ça a été ma promesse de lecture. Et à la fin de chaque chronique, vous avez une mini biographie, mais surtout... biographie, mais après ça, vous avez une bibliographie. Vraiment, c'est intéressant parce que moi, j'en ai souligné, je me suis fait des promesses de lecture, là. Alors, je risque d'ailleurs de vous en reparler dans les prochaines émissions parce que j'ai eu des coups de cœur entre-temps. Alors, voilà. Donc, un petit salon du livre britannique, si ça vous tente. Florence, dans un livre. En un seul livre, oui. Pas alors, très gros, hein? Non. Et puis, je vous dis, ça se lit, là. Ça se lit comme une revue, ben c'est le cas de le dire. Alors c'est Florence Noiville, So British, 23 visages d'écrivain, il y a 200 pages à peine et c'est un plaisir. Vous allez beaucoup rire, mais surtout beaucoup le réfléchir aussi. Merci Marie-Ève. Merci Marie-Ève. On va écouter un peu de musique et on revient avec Louise Séguin et Peter May. sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord avec Perle Rinke. Et je suis accompagnée de Louise Séguin qui vient nous parler d'une série que je ne connais pas du tout. Je suis une grande amateur de polar et j'aime beaucoup ce qui nous arrive de l'univers anglophone. Et là, tu me parles d'un truc écossais que j'ai même pas vu passer. Je sais pas où j'étais. Dans un salon du livre, quelque part, perdu. Moi, je pense que je suis tombée là-dessus un peu par hasard. C'est peut-être mon chum qui m'a fait connaître ça. Peter May, et non Mail, le fameux auteur de Provençalité ouais, c'est ça, et c'est... Cucu. Alors, ce n'est donc pas Peter May, là, mais Peter May, qui est un écrivain d'origine écossais. Peter May est né en 1951. Il a d'abord été journaliste et scénariste. Et quand il parle de son métier actuel d'auteur, il rappelle que quand il était journaliste, c'est là où il a appris à faire de la recherche, mm-hmm. approfondie sur toutes sortes de sujets. Et c'est ce qu'il transpose maintenant dans ses romans, dans son écriture. Il s'est toujours basé sur beaucoup d'éléments qui proviennent de l'histoire ou de la culture actuelle du pays dont il parle, mm-hmm. ou en tout cas du pays où l'action se passe. Mm-hmm. Et puis, comment il en est venu au polar? Eh bien, c'est tout simplement que la première fois qu'il a voulu écrire un livre, il s'intéressait aux OGM à cette époque-là, en okay. tant que journaliste. Et par hasard ou automatiquement, il a situé son... Au lieu de faire un essai documentaire, il a vraiment situé sa quête, sa recherche sur les OGM dans un contexte de polar oui. qui se passait en Chine. C'est assez riche, oui. Ça a été sa première série, mm-hmm. The China Thrillers, qui avait 6 volumes. Ensuite, il a fait une autre série qui se passe en Écosse aussi, Enzo Fares. Mais celle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la trilogie écossaise qui se passe sur l'île de Lewis. Et c'est... je vais parler plus particulièrement du dernier tome, qui est Le braconnier du lac perdu. Ce qui a précédé ces tomes-là, il y avait... Le premier était L'île aux chasseurs d'oiseaux, qui a été publié en 2010, et le second, L'homme de Lewis, en 2011. C'est toujours le même personnage d'enquêteur ou de groupe d'enquêteurs? Oui, c'est toujours Finn McLeod, qui est policier dans le premier tome mm-hmm. et qui retourne sur son île après une absence de plusieurs décennies, mais qui abandonne son métier de policier. Okay. Alors, dans les autres tomes, il est tout simplement un citoyen de l'île de Lewis où se situe l'action. Mais qui a un passé policier. C'est ça, effectivement. Alors ça, c'est pour l'auteur. Maintenant, l'île de Lewis, c'est une île qui est située au nord-est de l'Écosse. C'est dans les Hébrides. Dans les Hébrides extérieures, c'est au 58e parallèle. Alors si on compare avec le Québec, c'est à peu près à la hauteur de Coudjouac. Sauf que la météo n'est pas du tout la même. Là, la température moyenne d'été est environ 14, 15, 16 degrés. Plus froid, mais l'hiver, c'est plus chaud. Voilà, quand c'est un... Ouais, mais Québec est à la hauteur de Venise. Hein? Tout ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais il n'y a pas d'arbres. OK, il n'y a pas d'arbres. Il n'y a pas d'arbres sur l'île parce que c'est battu par l'océan Atlantique et c'est sans cesse, ils ventent toujours, mm-hmm. ils ventent sans cesse, puis il y a beaucoup de pluie aussi. C'est très maritime là, comme contexte et dans son écriture, c'est omniprésent. Alors, c'est assez fascinant. C'est une île quand même d'une 75 à 80 kilomètres de long avec une population de 19 000 habitants. Alors, vous voyez, c'est assez éparse comme population. Mm-hmm. Il y a une seule grosse ville qui s'appelle Stornoway, mais l'action se passe d'un bout à l'autre de l'île, finalement. Et puis, moi, ce que j'ai aimé particulièrement dans ce roman-là, c'est pas tellement l'intrigue. Oui, il y a une intrigue, mais c'est pas une intrigue linéaire. C'est une intrigue qui comporte des rebondissements multiples dans le braconnier du lac perdu. Et pour moi, au départ, les grands éléments, bon, il y a un avion dans l'histoire, un écrasement d'avion. Il y a une pourvoirie de pêche au saumon. Il y a des grands espaces, naturellement, avec les landes, les vieilles coutumes de cette île-là qui persistent encore, les vieilles croyances. Depuis plus de 1000 ans. Pardon? Depuis plus de 1000 ans. De 1000 ans. C'est ça. Et puis, un lac qui disparaît aussi. Alors, c'est assez particulier comme contexte et l'intrigue est très bien menée. Elle se passe aujourd'hui, mais l'auteur retourne sans cesse dans son passé, comme on voit souvent. Mais dans ce cas-ci, ce qui est particulier, c'est que c'est pas seulement... Bon, on a le voyage dans l'espace, on a des grands espaces, des espaces immenses, des descriptions de paysages, de ciel, de vent, de territoires assez extraordinaires. Puis c'est pas des petits territoires, là. Il y a des descriptions de rivières là-dedans qui sont époustouflantes et épeurantes là aussi, parce qu'il y a quelques cas de quasi-noyade et de sauvetage. Alors, tout ça... C'est quand même un polar. Mais ça c'est prend quand un peu d'humain. Oui, c'est un polar parce que ça commence justement par la première scène, c'est il découvre cet avion-là qui s'est écrasé dans un lac, mais le lac a disparu. Alors, l'avion était caché sous l'eau depuis 20 ans et il y a eu une espèce de glissement de terrain. Là, il l'explique très bien techniquement comment ça a pu se passer parce qu'apparemment, ça, c'est un phénomène naturel qui arrive. Et le lac, tout à coup, est apparu parce qu'il n'y avait plus d'eau dans le lac. C'est quoi, c'est dans les ça premières fait que là, pages on du roman. Voit, on voit l'avion qui est là depuis combien d'années? 19 ans, je crois. Puis tout le reste du livre se passe autour de... Essayer de trouver ce qui s'est passé avec cet avion-là. Mais il y a tellement de rebondissements que c'est pas un polar, comme je disais, linéaire où on arrive à la fin, puis ça, c'est tous les éléments suivaient. C'est qu'on retourne sans cesse dans le passé. C'est pas juste un voyage dans l'espace, c'est aussi un voyage dans le temps. Et l'auteur retourne dans plusieurs époques, c'est-à-dire le héros retourne dans plusieurs époques de sa vie. Puis tout ça, c'est en même temps une quête pour se définir, se connaître lui-même, puis se retrouver à travers ces étapes-là. Puis les gens qu'il rencontre, qui l'entourent aujourd'hui, c'est les mêmes avec qui il allait à l'école, avec qui il a grandi, avec qui il peut communiquer en langue, en gaélique. Il y a des personnages de tous les âges, il y a des enfants, il y a des vieillards, puis il y a des retours sans cesse là dans l'histoire. Puis comme on parlait au début que c'est un auteur qui aime beaucoup faire des recherches approfondies. Alors, dans ses incursions historiques, il ramène des faits historiques. Par exemple, les figurines de Lewis, qui étaient un jeu d'échecs qui a été fabriqué dans les années 1200 par des Norvégiens dans des défenses de morse en ivoire. Et puis, ces figurines-là deviennent presque un personnage. Il y a c'est très imbriqué dans l'histoire, mais c'est un fait réel de l'histoire. Il y a eu un naufrage aussi catastrophique. Là, il y a plus de 200 soldats qui revenaient de la Première Guerre mondiale en bateau, dont le bateau a fait naufrage juste à côté de l'île. Alors, ça aussi, c'est un fait historique, mais qui devient aussi une partie de l'histoire, qui a des résultats, des impacts dans ce qui se passe aujourd'hui. Puis, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui se passent dans le passé, puis qui ont une portée presque universelle et qui ont des répercussions encore aujourd'hui. Par exemple, Gilles, si tu veux lire le petit passage. Cela ne faisait pas si longtemps que l'ensemble des terres de Lewis n'appartenait plus à un seul propriétaire. Une époque où les habitants qui louaient les fermes et travaillaient la terre étaient à peine mieux traités que des serfs. S.A.R. Oui. Ainsi, autrefois, lorsqu'il avait décidé que l'élevage des moutons n'était plus rentable et que la culture du sol... de nombreux fermiers avaient été expulsés et envoyés dans des endroits choisis pour eux, au Canada ou en Amérique, avec guère plus de prise sur leur avenir que les esclaves que l'on avait arrachés du continent africain. Les souvenirs ne s'effaçaient pas facilement. Les histoires de l'évacuation des terres avaient franchi les générations et les propriétaires terriens étaient toujours regardés avec méfiance et un peu de crainte. Alors, vous voyez, c'est un peu une problématique universelle qui date de loin, qui se passe dans un territoire qui est très éloigné de chez nous. Et on s'aperçoit que ça s'est passé ici. On vit encore avec les conséquences ici au Québec de phénomènes semblables. Alors, au-delà du polar, pour moi, c'est toute cette ambiance-là que j'ai trouvé vraiment fascinante, vraiment intéressante, puis ça donne le goût d'y aller aussi. Oui, effectivement. Et une petite question, est-ce que c'est... c'est comme une fin... comment je dirais, une bonne conclusion de cette trilogie-là? Où ça va se continuer, cette série-là? C'est... Parce que j'avais l'impression, ce que j'avais lu là-dessus, que c'était vraiment une trilogie, mais... Oui, non, celui-ci, là, c'est quoi le titre? Les oiseaux? Non, les oiseaux, c'est le premier. Les braconniers du lac perdu, c'est le dernier tome. Dans les autres tomes, dans l'île des chasseurs d'oiseaux et l'homme de Lewis aussi, il y avait beaucoup de références encore à des événements historiques. Et puis, par exemple, l'île des chasseurs d'oiseaux, on a mis la main tantôt sur des films qui ont été faits sur la BBC. C'est un phénomène extrêmement particulier. Ça existe encore. OK. À cette île-là, c'est un îlot qui est situé à 40 km au nord de l'île de Lewis. Mm-hmm. Il faut qu'ils aillent là en bateau. Et à tous les ans, ils vont là, c'est contingenté, sont 10 ou 12 hommes et qui se rendent là en bateau jeune. À une certaine saison où il y a beaucoup d'oiseaux. C'est un club privé. Presque. Puis là, ils massacrent des oiseaux. Là. Il y a des massacres, c'est des 2000 oiseaux qui tuent à la fois. Puis c'est comme un petit peu un rituel de passage pour les jeunes aussi. Mais ça date là, de Mais de il mange, là. Plusieurs siècles. Ah, OK, siècles, au moins, là. Il mange, là. Oui. C'est pas juste tuer pour tuer, là. Puis pour finir, pour faire le lien avec nous au Québec, cette trilogie-là, c'était assez récent quand même, là. Puis il y a un livre que Peter May vient de finir d'écrire et qui a été publié en anglais seulement. Mm-hmm. Et qui est un polar aussi, qui se passe, devinez où? Pas au Québec, dans au le Grand Québec. Nord. Au Québec, sur les îles de la Madeleine. Oh! Alors, tout à coup, en finissant ma recherche, je me dis, moi, ça me fait rêver, les îles Hébrides, depuis que j'ai commencé cette série-là. Et puis là, je m'aperçois que lui se déplace ici, puis on va voir les îles de la Madeleine à travers les yeux de Peter May, qui est un Écossais d'origine. Ça fait que c'est paru quand en anglais? Ça fait à peine quelques semaines ou quelques mois. Ça fait là. Que dans 6 mois ou plus tard, un an, on devrait l'avoir en français. Possiblement. On devrait, c'est Babel qui les reprend en français, c'est les livres de Peter May. Et puis, c'est fascinant le milieu dans lequel ça se passe. Oui. Parce que les gens vivent encore dans des habitations de pierres empilées et se chauffent avec de la tourbe. Donc, c'est très gaélique. Oui, c'est oui, très c'est fait du très bon scotch. Oui, c'est... et du beau tweed. Tu penses aux vraies affaires. Merci, Louis Séguin. Très belle suggestion de lecture. On fait une petite pause et on revient avec Yves. Enfin, le printemps est arrivé pour vrai. La neige fond, la verdure apparaît, les oiseaux chantent et CKRL prépare sa programmation d'été. Vous avez envie de faire de la radio et de partager vos connaissances musicales avec nos auditeurs? C'est temps de nous faire parvenir vos projets d'émission pour la saison estivale. Juin, juillet, août et un petit peu de septembre. Prenez le contrôle des ondes à chaque semaine. Proposez une émission sur ckrl.qc.ca et remplissez le formulaire dans la section « Proposer une émission ». Faites vite, la date limite est le 4 mai prochain. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat chez Sillon le Disquaire au 1049 Avenue Cartier. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Partez à la découverte de l'univers de la bande dessinée, du manga, de l'animation, de l'illustration et du fanzine. La vie en BD, en compagnie de Raymond Poirier et son équipe, tous les vendredis dès 17h30. CKRL, votre porte d'entrée vers le 9e art. Cette émission vous est présentée par Maison Thaïlandaise. Maison Thaïlandaise vous offre de délicieux repas cuisinés selon la tradition thaïlandaise. Maison Thaïlandaise, une cuisine savoureuse et variée, dont l'art culinaire se caractérise par son raffinement dans le choix des épices et condiments. Emballez sous vide pour un maximum de fraîcheur au prix plus qu'abordable pour déguster à la maison. Maison Thaïlandaise, 3 adresses pour vous accueillir au 3 boulevard René-Lévesque-Est à Québec, coin de Salaberry, au 4307 rue Saint-Félix dans le Vieux-Cap-Rouge et au 3742 Avenue des Églises à Charny. Informations et commandes en ligne sur maisonthaïlandaise.com. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord avec Barbe Reinke et je suis accompagnée de Yves Rousseau. Bonsoir. Qui va nous défaire les mythes sur l'éducation. Faut dire que t'es prof et fait que t'as quand même une bonne idée là-dessus. D'abord, je dirais, c'est pas moi qui va les défaire. Je vais faire la voix de l'auteur. Mais tu es d'accord. Ce soir. Oui, Normand Baillargeon, docteur en philosophie, docteur en entre guillemets, science de l'éducation, parce que le mot science avec éducation, ça me fait toujours rire. C'est, je trouve ça totalement rigolo au départ. Et il enseigne. Il enseigne à l'UQAM. Il publie beaucoup, beaucoup. Et on peut l'entendre. Est-ce que je peux faire quelque chose pour une radio concurrente? Mais le dimanche matin, écoutez l'émission de Franco Nuovo. Et Normand Baillargeon est là. Oui. Et c'est vraiment quelqu'un qui est à la fois profond et clair, limpide. Il y a aussi des chroniques dans Le Voir. Oui. D'en voir souvent, aussi. Il traite. Ouais. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je considère que c'est un des intellectuels les plus importants au Québec présentement. Et donc, en tant que lui-même prof, il s'est beaucoup intéressé aux questions d'éducation et Dieu sait s'il y a des légendes dans l'éducation. Alors, je suis arrivé avec deux essais de lui qui sont sortis à peu près simultanément pendant l'hiver, je dirais au début, mais l'hiver est tellement long cette année que c'est encore d'actualité. Je voudrais juste dire que, curieusement, pendant la campagne électorale qu'on vient de vivre, avez-vous entendu parler d'éducation? De quoi? Voilà. Et pourtant, c'est drôlement important, hein? Oui, culture, oui, t'as raison, Gilles. Culture non plus, on n'a pas parlé. On parle toujours de la santé. Oui, ou de pseudo-économie, c'est-à-dire comment faire pour que les plus riches soient encore plus riches, ceux qui ont voté pour ont élu. Ceci dit, Baillargeon, c'est pas juste un militant, c'est quelqu'un qui pense très fort et qui va faire une déconstruction vraiment systématique de plusieurs mythes en éducation. Alors, je peux vous en nommer quelques-uns. La ludopédagogie. L'enfant a besoin de s'amuser pour apprendre. Bon. On soupire un petit peu, sauf l'enfant à présent, mais... Mais il y a des gens au ministère de l'Éducation qui font des carrières là-dessus. Hein. Ensuite, un autre mythe, peut-être que... Bon, l'Internet dans la classe, c'est super génial, a priori, pour faire apprendre. Eh bien... Normand Baillargeon, il sort des méta-études, c'est-à-dire des études qui font la somme de plein d'études. Mm-hmm. Et sur, je sais pas moi, 60 études où, par exemple, on a mis deux classes en parallèle, on donne un cours, et pendant le cours, c'est t'écoutes le prof, puis tu prends des notes, et dans l'autre cours, tu peux aller sur Internet, tu peux chatter, tu peux claviarder, tu peux... supposément, c'est supposé t'apporter plein de choses de pouvoir faire ça, là, tu sais. Et systématiquement, on fait passer un examen, le même, aux deux cohortes, et systématiquement, ceux qui pouvaient aller sur Internet pendant le cours ont des moins bons résultats. Systématiquement. Ouais. Sur des centaines d'études. Parce que c'est pas sur Facebook et MSN qu'on trouve les informations qu'on cherche. Non. Et que pendant que tu cherches des affaires, tu vas aller sur d'autres choses, mm-hmm. puis t'écouteras tu pas ce qui se passe. Ouais. Voilà. Mais il y a du monde au ministère de l'Éducation qui pense que c'est ça la voie, puis ils ont des bons amis qui sont des vendeurs d'ordinateurs. Vous souvenez-vous des tableaux blancs interactifs? Ah oui! Il paraît que c'était des grands amis du Parti libéral de Jean Charest à l'époque qui ont eu des contrats, là, puis on va en mettre dans les écoles. Laissez-moi vous dire que dans le cégep où j'enseigne depuis presque 25 ans, la plupart des tableaux blancs interactifs, c'est plus un ennui qu'autre chose. Enfin... Donc, pour Internet dans la classe, là, j'ai rien contre Internet en soi, mais la classe, c'est une chose. Et c'est ça. La conception de l'éducation de Normand Baillargeon, c'est que l'école devrait pas être le miroir de la société. Devrait être quelque chose de à part, de quelque chose de protégé dans lequel on pourrait avoir un projet éducatif en dehors de l'économie, de vouloir faire du cash, de vouloir vendre des bébelles. C'est ça. Et il y a une autre tendance qui est majoritaire dans notre ministère de l'Éducation qui dit que les pauvres petits-enfants, si on leur donne pas des bebelles, ils voudront pas aller à l'école. Moi, je trouve que c'est un mépris profond des jeunes. C'est un mépris des jeunes là que je trouve incroyable. Et il y a aussi que, de toute manière, depuis quand qu'on discute avec un enfant s'il va à l'école ou non? Ben, en tout cas, moi, les miens, jusqu'à nouvel ordre, ça ne s'est jamais discuté le matin. Normand Baillargeon et Pierre Foglia s'entendraient comme la renfort. Oui, je pense que oui. Oui. Même si Foglia, c'est un intuitif, puis Baillargeon, mais ils se rejoignent, effectivement. Légende pédagogique, un des livres dont je parle présentement, c'est ça fait partie de la série des traités d'autodéfense intellectuelle. Mm-hmm. Il y en avait déjà publié un sur l'économie. Hein? Laissez-vous pas aveugler par le gars au téléjournal là, qui dit des chiffres puis qu'il parle d'économie. Là. Ouais. Lui, il est juste là pour que GM continue puis qu'on continue de se faire fourrer. Les gestionnaires de l'éducation, ensuite. Il en parle aussi. Ben, la plupart des gestionnaires de l'éducation, maintenant, sont plus là pour leur carrière que pour les jeunes. Alors, ils veulent monter dans la carrière. Ensuite, la formation des maîtres. Il en parle aussi dans Légende pédagogique et dans plusieurs autres essais qu'il a fait où il a collaboré comme main basse sur l'éducation. C'est intéressant parce que 2 minutes seulement. Oh là là. Je vais faire de mon mieux pour être le plus percutant possible. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que si vous voulez enseigner au primaire, secondaire, il faut faire 4 ans de pédagogie avec des gens qui veulent dresser votre cerveau à cette espèce de pseudo-pédagogie-là. Et il n'y a rien d'autre à faire. Ça fait qu'on forme un contenant, mais pas de contenu. Ouais. C'est parce que c'est ça ce que moi, personnellement, je vois pour avoir eu des enfants dans le système depuis 20 ans. Eh oui. Et ça se détériore. Et les jeunes femmes qui veulent aller là-dedans, j'ai rien contre elles personnellement, mais laisse-moi dire que c'est pas la crème du cégep. Mais et quand ils ont des tests de français à l'université en pédagogie, c'est l'échec à 75%. Mais c'est et aussi... ces gens-là vont apprendre à nos enfants à écrire. Oula! Peut-être. Oula! Peut-être. Et moi... Pourquoi femmes? Parce que c'est la majorité des femmes qui enseignent au primaire et secondaire. Oui. Mais c'est justement là où on arrive, c'est justement, il n'y a pas de reconnaissance sociale. Le temps qu'on ne trouve pas ça important, tu le vois aussi, quand les hommes se retirent de quelque chose, en général, c'est parce qu'on a du mépris pour ce corps. C'est mon discours féministe qui embarque. Là. Fait que si c'était si encouragé, ben, comme en Finlande, ça serait moitié-moitié des hommes et des femmes. Parce qu'en Finlande, être professeur, socialement, t'es un héros, OK? Ici, là, exactement. C'est ça. Exact. Et on laisse ça enseigner à nos enfants. C'est l'avenir de notre société. Exact. C'est l'avenir de notre peuple. Et on encourage ça, c'est exactement. C'est ahurissant. Si on veut disparaître, on a juste à continuer comme ça. Je voudrais dire, on parle des sources. Jean-Jacques Rousseau, j'ai honte de m'appeler Rousseau des fois à cause de ça. Jean-Jacques Rousseau est un des grands... au départ, là, il y a 250 ans, c'est le gars qui a écrit un traité d'éducation. Laissons l'enfant sauvage et ne le perturbons surtout pas dans ce qu'il pense être et savoir. Eh ben, Jean-Jacques Rousseau, juste pour vous dire, là, il y a eu plein d'enfants, il les a tous laissés à l'assistance publique. Moi, un gars c'est qui fait ça, pour eux autres. Puis qui écrit des traités d'éducation, en tout cas, je m'interroge sur la pertinence de ces traités. Et Ernst von Klassenfeld, qui est mort en 2010, enfin, mais qui devrait, il a sûrement sa statue au ministère de l'Éducation parce que lui, là, il en a fait du dégât et il en a eu de l'influence au Québec et dans les facultés de pseudo-sciences de l'éducation. Bref, Normand Baillargeon, une méthode intellectuelle très forte, c'est-à-dire refuser les idées reçues, repérer la thèse, chercher la source de la thèse, l'analyser et la contredire par des faits. Parce que, moi, je regarde les faits, là, la réforme de l'éducation de ces gens-là, c'est un échec total. D'ailleurs, ils ont voulu abolir l'échec. Peut-être qu'ils voulaient se protéger de leur propre échec. Tu nous redis des titres pour que tout le monde qui en connaît quelqu'un qui étudie en éducation, qu'on leur donne en cadeau? Hein? Oui, et laissez pas vos profs de pseudo-sens de l'éducation vous bourrer le crâne avec von Glashenberg. Glashenfeld, pardon. Alors, Normand Baillargeon, légende pédagogique, Essai libre, l'éditeur. Donc, autodéfense intellectuelle en éducation et Normand Baillargeon, Turbulence, essai de philosophie en éducation, presse de l'Université Laval. Quand même pas rien. Et ça s'enseigne là aussi, hein, la pédagogie. Et je vois tous les jours dans mes cours les dégâts de ces gens-là. Oui, parce que là, non, mais des jeunes de la réforme qui viennent de rentrer, excellent. Je comprends très bien. Merci Yves Rousseau. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord et je suis maintenant accompagnée de Lou Bolduc. Bonjour Lou, ça va? Enchantée! Tu viens nous parler de deux livres jeunesse, vu qu'on en parle très peu et moi je me dis, tant qu'à parler de livres, ça prend des vrais lecteurs et je suis sûre que tu as eu plus de plaisir de lire ça que moi. Ton premier livre, c'est quoi? C'est Zouk de Pierre Bottero. C'est qui, Pierre Bottero? Un grand auteur français jeunesse, justement, qui aurait eu cette année 50 ans. Et qui est mort il y a 3 ou 4 ans dans un accident de moto. Zouk, c'est quoi l'histoire? Zouk, en fait, c'est une jeune danseuse qui, de danse classique, qui, elle, rêve de danser à la perfection, rêve d'être idéale. La danse, c'est vraiment sa passion, c'est ce qu'elle aime dans sa vie. C'est le ballet. Oui. On parle de la danse classique. Oui. Ouais. Et elle a la chance, cette passion-là, elle peut la partager avec sa meilleure amie, Mawen. Mm-hmm. Ça se prononce étrangement. C'est ça. Et là, ça commence où, grande nouvelle, un grand, grand danseur va venir regarder les danseuses. Mm-hmm. Heureuse, elle est tellement heureuse, elle n'en revient pas. Puis là, le grand jour arrive et elle surprend une conversation de sa prof de danse et de cet homme qui disent qu'elle est trop grosse pour pouvoir devenir une grande danseuse. Ballerina, ouais. Et là, elle se dit, ben moi, je m'en fous de ce qu'ils pensent. Moi, je trouve que je suis correcte. Je mets ça de côté. Mais sa meilleure amie, elle, va malheureusement, ou heureusement, on ne sait pas dans quel point de vue dire, tomber en amour sur un site de rencontre avec un beau gars de 18 ans, tout. Et là, elle va apprendre que cet homme n'a pas 18 ans, mais 40. Et elle reste quand même amoureuse, disant que dès qu'il a compris que c'était sérieux entre nous, il m'a tout de suite dit la vérité. Tu comprends, Zouk, c'est l'amour de ma vie. Et ils ont quel âge, là, les filles? Et ils ont environ 18-16, là. OK. C'est 16-18. Donc, c'est assez triste. Puis là, vu que elle aura personne à qui se confier, que sa petite sœur va la traiter de grosse vache toute, ça va finalement faire que... Es-tu si grosse que ça? Non, elle est pas grosse. Elle est considérée comme une fille normale, de taille normale, mais on va être persuadé dans sa tête qu'elle est trop grosse. Donc là, elle va arrêter de manger pendant une journée. Puis vu qu'elle fait beaucoup de sport, elle va avoir perdu 2 kilos. C'est quand même beaucoup. OK. Puis là, elle se dit, hein? Mais si j'ai réussi à perdre autant en une journée, je vais sûrement réussir à atteindre la taille idéale pour danser de façon parfaite. Ça commence à ressembler à l'anorexie, ça. Oui, mais voyons, non, c'est pas de ça qu'elle souffre. Elle, dans sa tête, c'est pas ça. Elle est persuadée que, en fait, elle souffre de quelque chose d'autre, que c'est pas grave, qu'elle mange pas trop. De toute façon, son corps est correct, tout. Si elle perd autant de poids, c'est normal. Mais c'est pas normal. Puis là, après une suite d'événements plus tristes, mm-hmm, les uns que les autres, tout va mal aller pour elle. Donc, le danseur qui va venir les regarder, il va pas triper finalement. Là. Non, en fait, il fait juste son apparition, dit qu'elle est mauvaise, puis repart. C'est aussi triste que ça. Ça finit mal? Ça. Je ne peux vous le dire. Ah, ça, c'est, okay. Il y a quand même un punch? Ah oui, c'est une histoire où tu ne t'attends pas à cette fin-là. Ah, OK. Ça fait que... t'as trouvé ça bien? J'ai adoré. Bon, Zouk. Zouk de Pierre Bottero. Chez? Tribal Flammarion. Ah, chez Flammarion. Et un autre livre que t'as pris à peu près 2 heures à lire. une auteure de la Ville de Québec, Valérie Harvey. La pomme de Justine. Trouvée au centre du livre. Oui. Puis? Déjà lu? Déjà lu. Ah oh non, elle, c'est une machine. Je sais pas de qui elle tient. C'est quoi? C'est génial. Non, mais c'est quoi l'histoire? L'histoire, en fait, c'est Justine, une fille de 18 ans qui travaille dans un parc, qui vend des chalets à un parc... un parc, là. Puis là, genre, où il y a des chalets, tout, puis c'est avec des rivières, tout à flot. Là. C'est ça, ouais. Exactement. Puis là, il y a un beau gars qui arrive, dans le genre mannequin, là, mm-hmm. qui arrive, et là... Tu sais, il est vraiment distant, là. Il veut pas lui parler. Il est comme... Il passe, là. Puis en même temps, elle vient juste de casser. Puis c'est un peu difficile parce que son chum travaille au même endroit. Tout. Son ex. Son ex, ouais. Désolée. Puis là, à un moment donné, elle va remarquer que lui, il sort jamais ses poubelles. Puis là, elle se dit, est-ce qu'il est mort? Parce qu'il est jamais là. Mm-hmm. Fait que là, elle rentre dedans. Il n'est pas mort. Elle arrive et, pour la première fois, elle voit un homme pleurer. Il pleure. Le beau gars, là. Le beau gars pleure. Et il est pas aussi beau parce que là, il a sa barbe, il est sale, il pue, puis il pleure. OK. En fait, beau personnage, quand même. Et en fait, il est dans une dépression. Mm-hmm. Car, on nous le dit déjà, il y a eu des accusations sur lui disant qu'il aurait agressé une fille, mm-hmm. ce qui n'est pas le cas. Et depuis ce temps-là, lui, il a peur des femmes, tout simplement. Mais Justine, elle, est un peu masculine. Mm-hmm. Et cheveux courts, musclés... plus androgyne, là. Oui, exactement. Tomboy. Puis, et finalement, il y a une amitié qui va naître entre eux. Mm-hmm. Même si, au départ, Alexandre, son nom, l'homme, va être très distant. Mm-hmm. Puis déjà qu'Alexandre est beaucoup plus âgé, il a 28 ans, mm-hmm. et elle 18. Et là, une amitié va naître entre eux avant qu'ils doivent se séparer, pour de vrai. Et que... Finalement, ils vont se retrouver pour remarquer qu'ils sont en amour, mais avec 10 ans de différence. OK. Donc, après, pour finir, comment on va finir cette belle histoire d'amour? Il faut lire le livre. Ah! Ça s'appelle... Non, mais ça en fait deux, là, qu'on peut pas savoir la fin. Non, elle nous dit pas la fin. Elle fait bien ça, elle nous dit pas la fin, là. Elle vous donne envie de lire. Ouais, faut c'est que vous bien lisiez ça. Ces livres-là. Bon, c'est... Tu nous redis... Donc, le livre que je viens de vous parler, La pomme de Justine, de Valérie Harvey, de Titan. Merci, Loupolduc. Avec plaisir, maman. que c'était beau. Les bouquins d'abord, Barbe Reinke. C'était du malheur. Salut Gilles Chomel, t'es là depuis le début et tu vas nous parler de par la bande de malheur. C'est ça. En fait, c'est un livre d'une Québécoise qui vit maintenant en France, qui s'appelle Hélène Frédéric, et qui a écrit sur la poupée de Kokoschka. Tout ça est vrai. Oui. Oscar Kokoschka, a écrit ceci, entre autres, « Quand la peau sera installée, vous devrez lisser, gratter, donner la vie à la figure d'après votre propre corps, dans 1000 détails avec tous les moyens possibles, jus de plantes, huile, cire, piqûre, etc., etc. » C'est que Kokoschka a vécu, une aventure assez longue avec Alma Mahler, ensuite du décès de Gustave. Et Alma était un personnage quand même qui était assez égocentrique et volage. Une muse professionnelle. Oui. Mais c'était quand même une femme hyper brillante. Elle écrivait de la musique aux grandes dames de Gustave. Bref, elle a sorti avec lui pendant un bout de temps, puis elle l'a laissé tomber à Oscar Kokoschka comme une vieille chaussette, qui lui est un grand peintre quand même. Et ce grand peintre-là a fait appel en 1918 à Hermine Moss, qui est costumière de théâtre. C'est comme, ça veut dire la mousse. Tu sais, la mousse verte là, une roche. Moss. Ah, oui. OK. Bon. Okay. Alors, Hermine la mousse, là, finalement. Oui. Qui était costumière au théâtre de Munich en 1918. Et il lui a dit, tu vas me faire une poupée grandeur nature de Alma Mahler. Il lui a écrit 12 lettres pour lui expliquer en détail exactement ce qu'il voulait. OK. Et l'histoire de la poupée de Kokoschka, c'est l'histoire de Hermine Moss, de sa sœur Catherine, et des personnages qui l'entourent un peu dans une vie de grande pauvreté. On est à la fin de la guerre à Munich, donc il n'y a pas beaucoup de ressources. Et elle doit se débattre pour trouver tous les matériaux nécessaires pour accomplir l'œuvre du maître. Mm-hmm. Parce que c'est comme ça qu'elle le voit. Il faut qu'elle accomplisse la poupée selon les vœux de celui qu'elle appelle son maître. OK. Et non son client. OK. Ça devrait être un client. Ouais. Mais je pense qu'elle a pète une fuse dans sa tête. Là. Puis c'est devenu comme son... C'est comme si elle vénérait puis elle voulait absolument lui rendre. Alors, c'est beaucoup de souffrance intérieure pour la construction. Ouais. Et ça dure. C'est le bout que j'ai trouvé un peu long, cette idée-là de se jouer dans le bobo, là, finalement, pendant 200 pages, c'est un peu long. Mais pourtant, ça fait un mois et demi que je l'ai lu. Et puis, j'ai encore plein d'images de ce livre-là. Parce que tu m'avais dit, je pense que j'en parlerai pas, je suis pas sûre que j'ai aimé ça. Mais il y a vraiment un grand irritant dans ce livre-là. Oui, mais c'est parce que chaque chapitre, on a la description d'une peinture du point de vue du modèle ou de la modèle. Comme par exemple, jeune fille debout au buste nu en 1908, t'as le modèle qui décrit ce qu'elle voit face au peintre qui est en train de... Mais c'est pas inintéressant comme exercice. C'est pas inintéressant, sauf que ça... Ça te donne une idée. C'est parce qu'il n'y a pas d'image, finalement. Tu sais, dans le fond, s'il y avait mis une image, on aurait pu comprendre. Ça fait que tu as passé ton temps sur Internet. C'est ce que Yves déplorait tantôt. Je suis allé voir une couple de fois sur Internet pour voir de quelle œuvre on parlait. Ouais. Je n'ai pas tout trouvé. Mais ça coupe le récit. Je trouvais que ça empêchait le récit de couler. Puis finalement, c'est ce que j'ai fait à partir de la moitié du livre. J'ai arrêté de lire ces descriptions-là pour continuer mon histoire. Mm-hmm. Puis par la suite, je suis allé en voir quelques-unes, juste comme ça. Mais c'est pas inintéressant comme livre, le livre de la poupée de Kokoschka chez Héliotrope de Hélène Frédéric. C'est vraiment un livre... Il t'est resté. Oui, il m'est resté. La musique de Mahler qui est en arrière de ça m'est restée. La guerre 14-18, les souffrances en Allemagne, la privation, puis tout ça. Le monde dans lequel, le monde très fermé dans lequel vit Hermine Moss, puis les quelques relations qu'on pouvait avoir avec les proches d'Oscar Kokoschka, qui venaient y porter, puis qui lui disaient que c'était un crayonqué, qui était complètement sauté, puis que elle serait bien mieux de ne pas laisser cet être venir lui jouer dans le bobo, là, finalement, parce que ça, elle en souffrait beaucoup de ça. Bref, c'est une lecture fascinante, lancinante aussi, mais qui mérite d'être faite, je pense. Malgré des petits défauts. Peut-être que c'est intéressant à le relire une deuxième fois, de voir en comment les peintures dont on parle peuvent venir s'inscrire dans le cours du récit. Fait que c'est plus intéressant. C'est pas évident de la première fois que tu le lis. Il n'y a pas de rapport entre ce qui est raconté et les œuvres dont on fait la description. Puis j'en ai pas trouvé en regardant les œuvres, les dites œuvres en question non plus. Et puis c'est une fiction. Il y a des bouts qui sont, se mettre dans la peau du modèle ou de la modèle qui est en train de se faire peindre, ben c'est comme. Moi, je trouve ça intéressant comme idée. C'est d'essayer de dresser d'une autre façon un portrait du peintre, mais pas du point de vue d'Hélène d'Hermine Mousse, ni d'Hélène Frédéric, mais du point de vue, peut-être. D'Hélène Frédéric, dans le sens que c'est donner un autre point de vue de ce peintre-là, comment ses modèles pouvaient, peut-être, possiblement, en tout cas, en imagination, le percevoir. Gilles, est-ce que tu fais le tour de table avec moi? Parce qu'on est déjà à la fin. Les autres ont tout parti. On va faire ça à deux, regarde. Marie-Ève Sévigny est venue nous parler de Florence Noiville, So British, chez Gallimard, qui présente 23 auteurs, portraits d'auteurs britanniques. Et je sens qu'elle va nous revenir pour nous parler. C'est un livre pour donner le goût de lire des livres anglais. Exact. Voilà. Fait que tu dépenses pour dépenser. C'est ça le concept. C'est merveilleux, hein? Tu nous présentes Louis Séguin. Louis Séguin, là, a parlé du Peter May. Le braconnier du lac perdu. Mm-hmm. Puis le lac est perdu parce qu'il n'y a plus d'eau dedans. Il n'y a plus de lac. Ouais. Donc, etc. De Peter May, publié chez Babel. Et c'est le troisième d'une trilogie qui s'appelle la trilogie écossaise, qui se passe dans les îles Hébrides au nord de l'Écosse, sur des terrains pas loin de la toundra, si chère à la Louise Séguin en question, d'où l'intérêt pour ce livre-là. Et c'est une vraie trilogie, c'est fini après le troisième. Mais il y a un livre qui se passe aux îles de la Madeleine qui vient de faire le Peter May, dont on va s'arranger pour parler dans les prochaines semaines. Oui, dès que ça sort en français. Yves Rousseau nous a parlé de Normand Baillargeon, les deux dernières publications, Les légendes pédagogiques, l'autodéfense intellectuelle en éducation chez Essai Libre et Turbulence, essai de philosophie de l'éducation au PUL. Tous les deux des livres qui défendent un peu ce qui se fait depuis déjà trop longtemps en éducation des éducateurs. Dans la tour d'ivoire du G. Lou Bolduc, toi, tu nous as parlé de Zouk par Pierre Bottero, c'est tribal. Flammarion. Exactement. Et de La pomme de Justine par Valérie Harvey de Titan. Chez Québec Amérique. Et j'ai. Une histoire d'amour puis une histoire d'anorexie. Oui, mais c'est deux histoires d'amour, dans le fond. Hein? D'amour avec la danse. Oui, c'est ça. Et toi, Gilles, tu nous as dit le titre. Hélène Frédéric, cette Québécoise qui vit maintenant en France, puis qui fait des blogs, des choses comme ça, qui a écrit La poupée de Kokoschka, publié chez Héliotrope. Et puis, j'en reviens pas, j'en ai parlé en masse. Merci à Lou Bolduc, Yves Rousseau, Marie-Ève Sévigny, Louis Séguin, Gilles Chomel et à Gerrit Daguerre à la mise en onde. La semaine prochaine, on va recevoir un autre invité, Patrick Dano. Je l'ai dit en premier, Lou Bolduc. On me fait des grands signes ici que j'aurais oublié ma fille. Patrick Dano, on va parler de Philippe Kerr, lui qui fait un autre Écossais qui fait des fausses trilogies. On est rendu au septième tome, quelque chose comme ça, de la fameuse trilogie berlinoise. Et on va recevoir un nouveau chroniqueur qui est aussi un écrivain, Daniel Grenier. Oui. Passez une belle semaine et faites des belles lectures. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Cette émission était une présentation de Maison Thaïlandaise. Maison Thaïlandaise vous offre de délicieux repas cuisinés selon la tradition thaïlandaise. Emballés sous vide pour un maximum de fraîcheur au prix plus qu'abordable pour déguster à la maison.